en matière de réussite à notre lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14, des personnalités japonaises réclament le retrait de la politique d'hostilité des États-Unis vis-à-vis de la Corée. Le président du comité japonais de soutien à la réunification indépendante et pacifique de la Corée a dit « La réussite au deuxième test de la fusée Phason 14 a montré que le développement du nucléaire et de la fusée par la Corée du Nord n'est pas la menace pour la communauté internationale, mais seulement celle contre les États-Unis. Si les États-Unis veulent vraiment la dénucléarisation et la paix dans la péninsule coréenne, ils doivent conclure un accord de paix avec la Corée. » Le professeur honoraire Hisiki Gaziyoshi à l'université de Hiroshima Chudon a expliqué « Par la réussite successive au tir d'essai de la fusée Phason 14, la Corée a jeté une puissante base stratégique de dissuasion et de neutralisation des actes militaires des États-Unis. La politique coréenne de l'administration Trump est vouée à l'échec. » Le président de l'Association d'échanges scientifiques et d'éducation nippo-coréen a souligné Effrayés par la réussite successive de la Corée au tir d'essai de la Phason 14, les États-Unis livrent frénétiquement les exercices militaires visant à attaquer en premier la Corée par le nucléaire. La cause de la tension militaire accrue dans la péninsule coréenne réside à la politique d'hostilité et à la menace nucléaire des États-Unis contre la Corée.